Ouais ouais, TSR crew, encore un délire à l'ancienne. Marche arrière même si on passe pas à l'antenne. C'est pour le goût, TSR crew. On tombera pas plus bas, seul sur un banc, je suis là, je mate les étoiles. On aurait déjà plus de bras si à chaque fois on s'en mordait les doigts. Tu leur fais pas la peine, TSR. C'est l'équipe qu'à la pêche, cherche pas à l'enculé. Les plus rancuniers que la mafia qu'à la braise, je sais que ça gêne. Je parle pas de malheur, même quand j'ai l'arme à l'œil, j'assassine l'assassin. Depuis que les cons détraînent sur LimeWire, vas-y bouge pas, j'ai des touches car des rimes qui te sodomisent. Je reconnais une pouca, même si je suis pas physionomiste. Vas-y pose-toi, ici c'est Max dans moi, là où les gars bossent pas. Des jardins pour clochard, c'est juste en bas, pas sur les cartes postales. Le 18ème c'est code, barre un cognac, un gros gnac. Se reconnaît Hugo, TSR, un connard, un clonard. Trop de collage, drôle d'univers. Ça pactise avec Lucifer, la mort en fond de commerce. Comme un fleuriste à l'entrée du cimetière, la misère elle reste là, les rues restent sales. Ça reste du RS4, mais bordel, ouvre le sac. Je peux pas tenir avec le RSA, ouais, je suis m'écras. Comme un obèse qui se cache derrière un arbuste. Ouais, ça se bute au rap, normal, je me plains, je suis au pied de la buse. On abuse, on aime les coups d'acide, il est plat pour ratif. Nique sa mère, les deux bois malhérés, soit j'y vais juste pour la triste. C'est pas un film dans le rap, c'est pas les bifetons que je vis. Je représente les MC qui se donnent à fond dans les bidonvilles. Ça mérite des patates comme un poteau qui veut ta femme. 24 mesures de somme, t'as dû kiffer si tu fumes que de la frappe.